Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre. La santé, c'est un esprit sain dans un corps sain. Abras le corps. Première partie du hors-série spécial 8 mars, journée de lutte des minorités de genre. La prise de son a été effectuée grâce au micro d'une de mes amies le dimanche 7 mars, alors qu'avec plusieurs membres de notre collectif, nous nous affairions dans les derniers préparatifs pré-manif. Nous militons ensemble au sein de FACAP. FACAP veut dire Feminist and Queer Against Patriarchy. C'est un collectif féministe queer bordelais, fondé en décembre 2020 pendant l'occupation de la fac de la Victoire. Notre collectif, tenu en totale autogestion, se veut porteur d'une lecture intersectionnelle des oppressions et souhaite impulser des actions aussi variées que radicales afin de contribuer à la visibilisation des luttes des minorités. C'est dans cette perspective que, bien que nous co-organisions la manif du 8 mars avec d'autres associations et collectifs sous le nom de l'AG Féministe de Bordeaux, nous avons néanmoins tenu à avoir notre propre cortège queer. J'avais griffonné quelques questions qui pourraient intéresser des auditeuristes militants ou non militants. Et tout en préparant pancartes, tracts et banderoles, nous avons laissé la parole affluer entre nous. Belle écoute. C'est des pancartes qui marquent la fin de cortège, du coup, qui sera calme et sans clope ni alcool. Il y a écrit fin de cortège, calme, sans clope ni alcool. C'est pour repérer aux yeux des gens que justement cet espace dans le cortège queer est calme. Et pourquoi c'est important qu'il y ait ça dans les manifs ? On voulait le mettre en place pour que justement tout le monde puisse venir manifester, quelle que soit la manière dont les personnes ont envie de le faire, en fait, juste pour que ce soit accessible à peu près tout le monde. Et il y a pas mal de personnes qui se bloquent l'accès aux manifs parce que justement c'est pas évident pour tout le monde. Donc c'était histoire de mettre un endroit juste accessible, quoi. Après, bon, ça sera jamais vraiment accessible pour tout le monde, vu que c'est des manifs. Et donc, je connais des personnes qui seraient incapables, même s'il y a un cortège calme. Mais bon, c'est déjà ça. Et toi, tu fais quoi? Moi, je repasse la banderole. Mais du coup, qui est trop belle. Et vous avez, c'est quoi le slogan? Crime patriarcal, riposte radicale. Voilà, ce que c'est. Parfait. Ouais, assez de marcher sur des œufs, marchons sur des terres, Gaël, je t'aime. Oui, mais du coup, là, c'est un slogan. Ouais. Slogan chant. Ouais. Vous allez l'écrire à la peinture ou à la bombe? Oh, mais je pense qu'on n'a même pas de bombe en finale. Donc, ouais, la peinture. Moi, j'en ai une chez moi, mais en vrai, ça va plus en plus si on fait ici. Genre. Ouais, puis ça va traverser et ça va peindre le sol et non. Ah oui, mais il faut le faire à l'extérieur déjà. Mais moi, je me disais, genre, du coup, je vais arriver à la manif, il faut que je vais avoir de la colle, enfin, mais je la transporte. Comment, c'est quoi le mieux? Dans une poche? Dans des bouteilles? Oui. Ok. Ouais, ce sera plus pratique. Dans des bouteilles et genre mais je sais pas si j'ai des bouteilles. Et sinon y a pas Est-ce que j'en ai de lait en ce moment, pour l'instant la poudre. C'est de la poudre et j'ai juste à la mélanger avec l'eau. Mais bah, c'est nickel, elle a la grande poudre et moi je vais trouver des bouteilles. En gros, en quoi ça a quand même encore du sens pour nous en tant que collectif féministe queer avec une position et une lecture intersectionnelle des choses. D'avoir une date comme le 8 mars et d'y aller. De façon efficace, c'est que on subit tous des oppressions et des oppressions plurielles et c'est une façon justement de pouvoir les exprimer et les revendiquer avec et notre collectif et d'autres personnes qui militent sur des questions soit similaires, soit un peu opposées, mais on se rejoint sur ces dates. Moi, je pense aussi l'importance d'avoir une date, c'est aussi que c'est un moment où on peut se retrouver. Et là, par exemple, il y a eu des appels de grève parce que en fait, c'est compliqué de faire des manifestations et qu'on soit le plus nombreux parce que le but d'une manif, c'est que ça soit un rapport de force. Et le but du 8 mars aussi, c'est de démontrer avec la grève, et j'espère qu'il va suivre, de se dire, bah, en fait, on va pas travailler, on va pas étudier, et vous voyez voir qu'en fait, le monde sans nous, il va pas fonctionner. Et donc, c'est aussi une manière de résister, d'avoir une date et de faire grève. Après, moi, ça, j'ai un peu l'impression que l'appel à la grève, il a pas trop circulé. Je connais, enfin, j'ai l'impression que... Ouais. Mais toi, par exemple, Lily, tu peux venir à la manif parce qu'il y a un appel à la grève aussi, c'est ça? Non, exact. Et parce qu'au final, il y a quand même un syndicat qui est très mobilisé au sein de l'établissement où je suis. Et par exemple, il y a des personnes qui n'ont pas la possibilité d'avoir une cagnotte de grève. Et donc là, je sais qu'au final, j'ai posé 2 jours de grève, alors qu'au final, la manif, elle est sur une seule journée. Il n'y a pas... comment on appelle ça prolongement, pas prolongement, mais il y a un terme De quoi, pour la grève ou ouais. prolongation non, pas prolongation, mais bon, bref. Continuité, non, c'est pas continuité, c'est ouais, reconductible. Ah, j'étais en train de me refaire tous les slogans de l'année dernière. Moi, c'est la manif contre la réforme des retraites. Grève reconductible. Et du coup, comme au final, il n'y a pas de grève reconductible, moi, j'ai quand même réussi à poser 2 jours de grève et être sûre d'être payée. Donc ça, c'est cool. Ouais. Et ça... Enfin, tout le monde n'a pas la possibilité aussi de pouvoir compter sur les cagnottes pour se permettre de se mobiliser, parce que tu peux te mobiliser d'autres façons que de participer aux manifestations, mais d'être présent physiquement, quoi. Et du coup, par rapport à ça, c'est quoi le sens pour nous de faire un cortège queer, en mixité queer, dans cette manif? Pour moi, le problème actuellement avec le féminisme... le féminisme, ouais. c'est que la reconnaissance de nos identités, que ce soit en tant que personne queer ou en tant que personne ayant vivant d'autres discriminations et étant à l'intersection d'autres discriminations, c'est que nos identités, elles sont tout le temps invisibilisées, elles sont tout le temps niées, les questions qui nous concernent ne sont jamais mises en avant, ne sont jamais traitées. On ne nous respecte pas dans ces milieux-là, dans la mesure où la question de tout ce qui va être les questions queer, aussi bien pour la question du lesbianisme que la question de la transidentité, que la question de l'intersexuation, mais aussi la question du racisme, du validisme, de la grossophobie, etc. C'est des questions qui sont tout le temps complètement invisibilisées, personne n'en parle jamais. Et en fait, du coup, ça nie totalement des enjeux qui sont pourtant fondamentaux, comme... l'accès aux soins, l'accès au logement, l'accès à la parentalité. Par exemple, on a beaucoup moins de chances d'avoir un appartement si on est dans un couple homo, parce que on va subir une discrimination à l'accès au logement, qui en plus, si on est une personne lesbienne ou bi, identifiée comme femme. Donc on va à la fois être vu comme homo et comme femme, donc on a encore moins de chances d'avoir un logement. Et du coup, c'est des questions qui concernent le milieu féministe, mais vu que la plupart des assos sont gérés par des femmes cisgenres, blanches, qui sont parfois précaires, mais pas toujours. C'est que du coup, les questions qui vont être mises en avant, ça va toujours être les mêmes, et c'est pas des questions qui sont intersectionnelles. Et c'était très très long, je suis désolée. Et d'ailleurs, je sais pas si t'as envie de revenir sur... ça fait penser au petit accrochage à la discussion qu'on a eue après l'AG féministe de mardi, où justement, quand on commençait à avancer l'idée qu'on voulait être en tête de cortège, et qu'on voulait aussi... visibiliser bien les questions de PMA et par exemple des personnes qui nous disaient oui, mais il ne faut pas que vous parliez plus de temps que les autres, parce que sinon, ça veut dire que on fait une hiérarchie dans les revendications, et en gros, qu'on invisibilise le fait qu'il y ait, par exemple, qu'il soit important de parler de l'avortement en ce moment, parce que le prolongement des délais est encore, remis en question, etc. Et je sais pas si tu aurais envie de venir là-dessus. En gros, on est dans l'AG féministe, et... qui du coup est en gros une AG qui va regrouper beaucoup d'associations de féministes de Bordeaux, mais aussi des personnes individuelles, etc. Et en ce moment, il y a la loi bioéthique qui est censée passer, elle est censée être passée depuis plusieurs années, mais elle devrait passer bientôt, enfin on y croit. Et du coup, en fait, à la base, cette loi devait permettre l'accès à la PMA aux personnes AFAB seules et aux couples de personnes AFAB. Et après beaucoup de passages entre le Sénat, l'Assemblée, etc., en fait, ils ont tout simplement supprimé la question de la PMA de la loi. Donc on a une suppression de l'accès à la parentalité, qui en plus était, je crois pas trop en Macron, mais quand même l'une de ses promesses de campagne. Et la question de la PMA regroupe aussi des questions qui vont être liées au racisme, qui vont être liées à la grossophobie et à la transphobie, etc. Et la loi bioéthique devait aussi interdire les mutilations sur les enfants intersexes. Ça va pas être le cas. La loi bioéthique, à la base, devait... Non, c'était pas celle-là. Mais je crois qu'à la base, ils avaient mis la question de l'interdiction des thérapies de conversion dedans. Et ils ont voulu la changer ils l'ont mis dans la loi antiséparatiste. Et du coup, elle a été jugée comme n'étant pas en lien avec la loi séparatiste. Donc ils ont aussi supprimé la question de l'abolition des thérapies de conversion. Et en fait, du coup, on se retrouve avec tout un tas de problématiques comme ça qui sont très importantes pour nous et qui en fait sont multiples. Si on veut les traiter pleinement, il faut qu'on parle de la question du racisme, il faut qu'on parle de la question de la grossophobie, il faut qu'on parle de la question de la transphobie. Et juste traiter ça en une minute, c'est impossible. Et du coup, nous dire, en fait, nous, on a fait un discours qui fait une page, donc faites-vous aussi un discours qui fait une page. C'est aussi une manière d'invisibiliser et de taire complètement nos voix et de nous empêcher, en fait, de traiter les questions d'une manière globale et de la traiter en profondeur. Est-ce que tu te sens chaud, par exemple, de parler de... Vu que tu as parlé de la loi séparatiste, parce que j'avais aussi... je me disais que ça pouvait être l'occasion, là, ce podcast aussi, de revenir un peu sur l'ensemble des enjeux féministes et de notre féminisme à nous, de cette année qui vient de passer, avec le confinement, etc., et aussi avec les dernières lois. Donc, on a un peu parlé de la PMA, de l'avortement, etc. Mais, par exemple, est-ce que toi, tu te sens chaud de parler en quoi la loi séparatiste, elle est particulièrement... dangereuse et répressive pour nous. Je me rappelle plus de tout ce qu'il y a dans la loi séparatiste. Beaucoup de merde. Déjà, il y a eu la question de l'interdiction des thérapies de conversion, ce qui en soi était une très bonne chose, mais a été enlevé de la loi. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont très islamophobes, très racistes, notamment le fait de plus avoir le droit d'exprimer d'opinion, je crois, en tant que prof. Mm-hmm. Enfin... Je crois que c'est encore leur truc de pensée républicaine ou je sais pas quoi. Du coup, en gros, ils vont surveiller, le contenu de nos cours parce que j'espère un jour être prof à l'université et chercheur. Mais ils vont surveiller le contenu de cours pour qu'ils soient pas orientés avec une pensée politique. Sachant que le gouvernement actuel a de nombreuses fois craché sur, par exemple, la sociologie. Qui est ma discipline, et a affirmé qu'on était des islamo-gauchistes, ce que je n'irais pas en soi, mais mais voilà, et a jugé le contenu de la sociologie comme étant orienté et comme n'étant donc pas objectif, sachant que aujourd'hui il y a déjà des lois restrictives quant à la recherche, notamment l'interdiction de faire des recherches basées sur la question de la race sous prétexte d'empêcher des recherches racistes. Sauf qu'en vérité, cette loi empêche qu'on travaille avec des données sur la question sur la question du racisme, parce que bah, si on ne peut pas faire de stats là-dessus, si on ne peut pas étudier ces questions-là, on ne peut pas produire de données scientifiques. Et donc, c'est un peu une manière de dire nous, on ne voit pas les couleurs, ce qui en fait est une question de ne... enfin, une manière de ne pas traiter le racisme. Et par rapport à la question du sexisme et du 8 mars, ils ont prévu d'interdire, je crois que c'est dans les associations financées par l'État et dans l'enseignement, c'est ça ? C'est sur la recherche de toute façon générale cette loi, mais c'est la loi LPPR, mais du coup oui, ça fait. Ils ont prévu d'interdire l'utilisation de l'écriture inclusive, qu'ils jugent comme comme étant le reflet d'une opinion politique. Le problème avec ça, c'est que par exemple une association qui lutte je sais pas pour le droit des personnes non binaires ne pourra plus utiliser l'écriture inclusive dans sa communication, et c'est extrêmement problématique sur de nombreux points, notamment le fait que on ne légifère pas sur l'usage d'une langue. Une langue est quelque chose qui est vivant, quelque chose qui évolue avec son temps. La plupart des mots viennent de différentes cultures, s'échangent, la langue évolue. Il y a des milliers de mots qui meurent chaque année, des milliers de mots qui apparaissent, enfin peut-être pas des milliers, mais en tout cas beaucoup quand même. Et l'État n'est pas censé légiférer sur l'usage de la langue. Et ça va aussi être une grosse exclusion pour toutes les personnes non-binaires qui utilisent l'écriture inclusive pour se genrer. Moi, par exemple, je me genre avec l'écriture inclusive quand je parle de moi à l'écrit. Et donc, en fait, ça va m'empêcher de pouvoir juste parler de moi sans me mégenrer, cette fois, si je travaille dans une association ou si je travaille dans l'enseignement. Et c'est aussi une manière d'invisibiliser la cause féministe qui travaille depuis très longtemps pour l'inclusion de l'écriture inclusive, qui permet en fait de mettre en avant le fait que il n'y a pas que les hommes, il y a aussi des femmes. Et ça permet de le rappeler parce que durant toute l'histoire, les femmes ont été extrêmement invisibilisées. On a totalement invisibilisé les femmes artistes, les femmes chercheuses. Par exemple, c'est une femme qui a inventé le Wi-Fi et personne ne le sait. et voilà. Ouais, par rapport à l'écriture inclusive, enfin, ce que tu disais sur... Bon, en fait, moi, c'est pas tant le fait qu'on n'ait pas le droit de légiférer sur une loi, parce que c'est assez propre à France, et puis que je m'en fous de ce qu'on l'État, de toute façon, considère comme ayant le droit ou pas, vu que, enfin, je rejette l'État en tant que tel. Mais c'est vrai que, par contre, la France est un des seuls pays à avoir une académie de la langue, genre, du coup, à mettre vraiment des codes. Et en fait, cette académie-là, c'est basé sur... par des hommes cis blancs, bourgeois, et qui ont fait la langue à leur image, en décidant que le masculin devait dominer sur le féminin dans le langage, qui n'était pas du tout le cas avant. En fait, l'écriture inclusive, elle existait déjà, il y avait des formes neutres, il y avait plein d'autres façons, enfin par exemple les termes comme autrice, etc., c'est des mots qui existent depuis très longtemps et qui ont été invisibilisés par ce corps dominant qui s'est mis en place et qui a pris les institutions, etc. Et on voit que c'est le même qui réagit, parce qu'en fait, ils n'ont pas d'argument. Alors déjà, soit c'est de la complète ignorance, je pense, de la part du ministre qui veut ça. C'est vraiment l'ignorance de savoir même d'où vient la langue, etc. Oui, du sexisme, et du sexisme même qui ne se pense pas, du sexisme limite presque ordinaire. Mais après, il y a aussi toute une part de vieux réacs conservateurs de l'académie qui réagissent à ça, parce qu'en fait ils n'ont pas d'argument à part pour dire que ah non mais c'est pas très beau ou c'est du politique, alors qu'en fait comme par hasard pile au moment où de plus en plus de médias, d'institutions se saisissent, et en fait on voit que c'est hyper répandu, enfin moi je parle dans les podcasts tout le temps à l'inclusif, et la plupart des podcasts que j'écoute le sont, et ça change pas grand chose. On voit de plus en plus d'ouvrages aussi qui sont écrits à l'inclusif, et c'est totalement lisible, et en fait la langue, on sait grâce aux études de sociaux, etc., que c'est une façon de penser, et ça permet en fait de changer la façon dont on pense dans sa langue, etc. Et le fait de parler à l'inclusif, ça permet de penser aussi à l'inclusif et d'arrêter de penser avec le genre, avec un genre binaire. Et c'est intéressant de voir que c'est toujours les mêmes qui nomment ce qui est politique. En fait, c'est toujours ça la majorité qui se pense pas du tout politique, la majorité des blancs, des hétéros, cisnormés, bourgeois, etc., qui s'estiment que eux, ils ont l'universalité et qu'ils sont pas politiques, alors qu'ils sont, en fait, les militants, etc., c'est toujours ceux qui s'y opposent, et c'est jamais eux, mais eux en fait ils militent au quotidien pour maintenir le système tel qu'il est, c'est-à-dire patriarcat, raciste, et etc. Mais surtout que leurs arguments ils tiennent pas. Enfin, par exemple, si tu regardes la réforme de l'orthographe qui date de, je crois, à la base 95 et qui est ressortie il y a quelques années, parce que tout le monde l'avait oublié, ça a été un scandale absolu parce que en fait c'est je l'ai lu, cette réforme, elle est très longue, elle fait beaucoup de dizaines de pages. Et on a tous focalisé sur Nénuphar avec un F, en disant qu'on était en train de simplifier la langue française parce que les gosses étaient devenus trop cons, qu'ils étaient incapables d'apprendre à lire, et que du coup on allait simplifier la langue française. Sauf qu'en vérité, je suis peut-être un peu hors sujet, mais j'y viens. La vérité, c'est qu'à la base, Nénuphar n'a aucune raison d'être écrit avec PH, dans la mesure où c'est pas un mot qui vient du grec. Et que le PH, en fait, à la base, signifie que les mots viennent du grec. Donc en fait, juste le PH n'a aucune raison d'être. Et ensuite, la réforme de l'orthographe n'est pas une loi en soi. Il n'y a pas de loi qui régit la langue. Et du coup, on a toujours le droit d'utiliser PH. C'est juste que maintenant, écrire Nénuphar avec un F n'est plus considéré comme une faute d'orthographe, par exemple, dans les concours. Et c'est ces mêmes personnes-là qui vont... crier au scandale parce qu'on peut désormais écrire Nénuphar avec un F, ce qui en soi, au regard de l'étymologie, a beaucoup plus de sens, qui vont crier au scandale parce qu'on utilise l'écriture inclusive avec comme argument que c'est illisible, que c'est trop compliqué à lire, etc. Donc on voit qu'on a clairement un double discours qui en fait cache juste un conservatisme blanc, hétéro-bourgeois, d'homme cisnormé, quoi. Et du coup, il y a cette loi, il y a la loi, la loi LPPR aussi, sur la recherche, qui interdit du coup les minorités de faire de la recherche sur elles-mêmes, comme quoi, là encore, ce serait politique, etc. Alors qu'en fait, non, ça, c'est la loi LPPR de programmation de la recherche, etc. Et en gros, ça... c'est pour ça empêche de faire des études, de ce qu'ils considèrent comme étant l'importation anglo-saxonne des gender studies et des racial studies, etc. Et en fait, qui a énormément du mal à se développer en France parce qu'on est dans ce mythe républicain, universalité, blablabla. Et donc ça aussi, ça va être une énorme censure. On voit vraiment un espèce de repli réactionnaire. On peut se relayer pour la banderole si vous voulez pouvoir parler aussi... Ah mais on peut parler points d'enfants là, en plus les lunettes sont déjà tracées, donc aucun problème. Les points ne sont pas vraiment des coins. C'est-à-dire? Non mais t'inquiète, avec la ficelle on ouais, peut on jouer. Ouais, on va foutre jouer la avec ficelle. La oui, on fout dans des trucs genre les bassines pour passer la serpillière là. T'as regardé les cartes, Dune, ou pas? Vite fait, parce qu'on va aller en même temps. Mais peut-être dire un mot sur les modes d'action aussi. Sur la manière dont... Enfin, quel mode d'action nous semble les plus efficaces? Pourquoi? Quel nouveau mode d'action on voudrait mettre en place? Enfin, on est plusieurs ici à coller, à... Voilà, on organise des manifs, des rassemblements, etc. On participe aux manifs teufs. Enfin, voilà, qu'est-ce que vous sentez comme le plus... Enfin, dans quel mode d'action vous retrouvez le plus, quoi? Je pense que je ne mettrais pas d'hierarchie parce que ça se complète. Et du coup, il y a aussi des besoins de certaines organisations de plus pratiquer, par exemple, la manifestation. Et du coup, la participation individuelle, donc du soutien des personnes qui organisent. Et le fait aussi que c'est des choses qui sont de l'ordre de l'intérêt aussi collectif. Ce qui est revendiqué. Puis après, les collèges, effectivement, c'est une forme de, en tout cas de mon point de vue artistique, qui mêle aussi à la dénonciation. Et pour moi, l'art est engagé. Enfin, j'aime l'art engagé et du coup, je trouve ça dans le collège. Mais après, c'est aussi pour répondre un peu à toutes les personnes qui se disent pas très politisées et qui disent que par exemple, une manif ça sert à rien parce que ça ne marche jamais. Genre, qu'est-ce qu'on ressent, nous? Pourquoi est-ce qu'on va en manif? Pourquoi est-ce qu'on colle? Enfin, par exemple, le nombre de fois où je me suis pris la tête avec des mecs cis qui comprenaient pas pourquoi il y avait les collages en disant que c'était pas ça qui allait arrêter les trucs. Et je leur disais, mais en fait, le collage, il est pas visible. Oui. Si on le... si on le marque pas, si on le si on laisse pas une trace, ça ça remet encore en doute, tu vois, l'existence pour certaines personnes quand du coup c'est écrit par exemple dans un journal, c'est quelque chose de très lointain et du coup c'est parfois difficile pour l'accessibilité au niveau de la compréhension. Et donc si jamais t'as un collage dans ta rue, bah tu vas peut-être davantage être touché, et c'est pour ça que c'est nécessaire et utile. Autre chose, c'est aussi la question de l'espace public aussi, et en mode en fait tout est à nous. Ouais, c'est ça. Non mais c'est pas ça, c'est que bah, en fait l'espace public ça peut être aussi c'est à nous de décider de comment on investit notre espace qui est public et du coup au commun. Et en fait on voit que c'est un espace qui dans les villes est très marchand, et ça pose aucun problème qu'il y ait plein de gens rue Sainte-Catherine, mais quand c'est des manifestations que là, ça pose problème. Après pour ce qui est des, moi je pense que voilà, les actions c'est aussi comme les mouvements. Pour moi les actions elles sont prêtes aussi à s'essouffler, parce que tout s'essouffle, et que elles sont là à un moment donné, à un besoin donné, le collage, voilà, et qu'à un moment donné il faut absolument qu'on se renouvelle dans nos actions. Et on voit très bien que les manifestations, par exemple l'exemple des gilets jaunes, on a bien vu que c'était un mode d'action qui a super bien marché, ça a vraiment foutu le bordel, et en fait on a vu l'essoufflement, parce que on peut pas, parce que si ça devient un truc hyper rythmé du samedi et que ça devient une habitude, donc même nous, et même là ça pose la question du 8 mars, c'est qu'un truc de chaque année, comment on fait pour se renouveler dans un truc qui est hyper ritualisé, hyper habitualisé, on va voir les mêmes personnes, souvent ça va être les mêmes actions, du coup comment on peut faire encore du bordel, du contrepoids, choquer, et aussi arriver à arrêter en fait ce système qui roule quoi pendant, enfin je sais pas, moi c'est des questions que je réfléchis, auxquelles je réfléchis. Non, avec, surtout avec le climat du couvre-feu, genre on peut pas faire de manif de nuit. Moi je trouve que c'était un peu les trucs hyper bien du 8 mars, c'était pour moi le seul truc où j'allais, c'était les manifs en unicité de nuit, en unicité choisie. Et genre, je sais pas, ça vous fait pas bizarre de le fait qu'on va pas de manif en unicité genre du 8 mars. Ça, en fait ça frustre parce que ça marque le... Enfin ça marque un peu pour moi genre une victoire de l'État, un peu de genre en fait là il peut vraiment nous empêcher de manifester. Enfin à chaque fois on faisait des manifs sauvages et tout, mais là on aurait pu organiser une manif sauvage, personne l'aurait suivi parce que trop peur de la répression, ou peut-être du Covid, mais surtout de la répression. Et du coup bah ça, ouais, c'est, on en est cantonné à devoir faire la manif institutionnelle de jour et tout, et ouais. Pour moi le 8 mars c'est une date qui est enfin là j'étais en train d'y réfléchir, et quand vous avez commencé à parler je me suis dit que le 8 mars je trouvais que c'était un peu une date nulle qui servait à rien, et en fait plus j'y pense et plus je me dis que je suis vraiment pas d'accord avec ce que je pensais au début. J'adore. Parce que je trouve que le 8 mars c'est l'une des seules, enfin c'est l'une des seules dates de l'année en fait où les féministes sont vraiment dans la rue, ont vraiment une visibilité. Parce que bah il y a les collages féministes là qui depuis bientôt un ou deux ans maintenant prennent beaucoup de place dans l'espace public, et du coup mettent en avant la question du féminisme réellement. Mais avant ça, la question du féminisme c'était une question qu'on voyait pas tant. Et en fait le 8 mars c'est un jour dans l'année où bah il y a plein de gens qui sortent dans la rue et où on voit vraiment les féministes et où on voit vraiment cette cause là qui ressort. Et pour moi c'est hyper important cette date, et en fait parce que aussi il y a plein de personnes qui se mobilisent pas le reste de l'année pour les questions de féminisme, et il y a plein de personnes qui viennent au 8 mars et qui viennent juste au 8 mars en fait, et en fait ça permet aussi, enfin je me rappelle l'année dernière c'était énorme, on s'est retrouvés sur la petite place qui est au milieu de la rue Sainte-Catherine, je sais pas si tu vois, là où il y avait la poste avant, la place Saint-Projet, et on a fait un die-in, et il y a Delili qui a fait un discours qui était absolument merveilleux, et je me rappelle le cortège, enfin la manif remontait jusqu'à genre Grand Théâtre, et c'était genre tellement impressionnant de voir qu'on était genre autant, et surtout c'est international aussi, enfin, ouais en plus, ouais. Tu veux nous dire un mot, Ama, de commencer les 8 mars en Espagne ou pas? Comment ça en Espagne le 8 mars? Je trouve que c'est un peu plus énorme qu'ici. Après, bon, voilà quoi. Mais c'est vrai que c'est international, mais ce qui me faisait très plaisir, ce qui me fait aussi très plaisir dans les manifs féministes ici, c'est que j'écoute beaucoup d'espagnol et j'écoute beaucoup de langues. Et même ça, je trouve ça génial parce que autant des gens qui ne sont pas forcément français, qui ne dominent pas forcément le français, vont pas se sentir à l'aise avec le fait de s'impliquer au jour le jour dans des assos et tout ça, parce qu'ils ne dominent pas complètement le français. Autant les manifs, c'est accessible à tout le monde. Mm-hmm. Enfin, à tout le monde, en tout cas par rapport aux origines de la langue et tout ça. Parce que tu n'as pas forcément besoin de comprendre un discours pour savoir pourquoi tu es là, quoi. Et d'ailleurs, à ce propos, j'avais une de mes questions, c'était aussi genre, qu'est-ce que c'est le militantisme pour vous? Qu'est-ce que ça représente? Et pourquoi vous vous définissez comme militante? Je pense qu'en vrai, pour moi, c'est surtout vital. Et si je le faisais pas, ma vie aurait genre beaucoup moins de sens et que j'aurais juste en fait pas d'espace pour exister. Enfin, il y a le militantisme en termes d'action, de ce qu'on fait, des manifs qu'on peut organiser ou enfin vraiment des choses qu'on fait dans l'espace public. Et il y a le militantisme qui est la vie en parallèle et la sphère que ça crée, les personnes qu'on rencontre. Et ouais, je pense que c'est juste vital et que quand on n'est pas visible dans l'espace public et dans la société en règle générale, et je dis ça en tant que personne non binaire, donc vraiment, vraiment invisible, en fait, si j'avais pas le militantisme, juste, je pense que je me sentirais pas vraiment exister. Voilà. Je trouve que, en fait, ça me fait penser à... un peu à ce que je pensais aussi quand je parlais des collages, etc., et des conversations que j'avais eues avec des mecs cités qui sont toujours là en mode vous faites pas passer votre message, ça marche pas, c'est pas ça qui va changer. Parce qu'en fait, on attend toujours de nous, non seulement quand on pointe du doigt un problème, déjà si t'amènes pas la solution toi-même, t'es décrédibilisé, alors que c'est quelque chose aussi de le pointer et en fait de faire bouger les consciences. Et je trouve que c'est vraiment une réflexion de personnes, de la pensée dominante aussi, qui voit que les trucs un problème, une solution tout le temps, et que le fait de militer, ce serait toujours que parce que tu crois que tu vas vraiment pouvoir y parvenir, etc. Et en fait non, en fait c'est une nécessité pour exister. Ça veut pas forcément dire que qu'on croit qu'on va abolir le patriarcat là demain, etc., mais on sait qu'en fait c'est en faisant ça tout le temps et en ne lâchant jamais qu'on pourra bouger un peu les consciences, donner des messages d'espoir aussi aux autres personnes qui ont peut-être pas encore milité ou qui sont invisibilisées, etc. Et en fait on s'adresse pas que les collages par exemple, moi quand je vais coller, je m'adresse pas aux mecs cis-hétéros, je m'adresse aux personnes qui sont victimes. Et en fait on sous-estime ce que ça peut faire aussi de juste se lever le matin et de traverser la rue et de voir un « je te crois ». Ça n'a rien à voir avec les campagnes contre les violences conjugales qui nous font et qui sont toujours hyper victimisantes, etc. Enfin, d'avoir cette parole silencieuse en fait qui est affichée en énormes lettres, mais ça parle à l'émotion et ça parle à la santé mentale, et qui est encore un truc qui est pas pensé en fait par les gens qui sont dominants, parce qu'ils ont pas trop de problèmes dans leur vie et que du coup pour eux, enfin, ils voient pas tout l'impact que ça a derrière. Moi, j'ai tellement besoin d'expulser ma rage, s'il y avait pas ça, je pense que je deviendrais dingue, quoi. Pour moi, c'est devenu un moyen d'exprimer mes émotions aussi, tu vois. Quand je vais pas bien, je milite parce que... Enfin, manif. Non, mais ouais, mais vraiment. C'est... Enfin, le militantisme, les manifestations, c'est une thérapie. C'est un endroit où je peux hurler, où je peux dire que... Ouais, il m'est arrivé des trucs horribles et qu'il est arrivé des trucs horribles aux personnes de mon entourage. Et que, en fait, on est... Enfin, on n'est pas seul et juste genre savoir que je suis pas seule au monde et pouvoir genre avoir un espace où je peux crier, ça me fait du bien, parce qu'en fait surtout en tant que personne affable, on n'a pas d'endroit où on peut hurler, on n'a pas d'endroit où exprimer notre colère. Moi, on m'a toujours appris à pas exprimer ma colère, on m'a toujours appris à pas montrer quand j'étais en colère, à pas à jamais parler trop fort, à toujours être sage, à toujours être mignonne, à toujours sourire. Et en fait, le militantisme, ça me permet de dire merde à tout ça et de dire genre non, je suis furieux et genre non, ça va pas et non, je vais pas continuer là-dedans, quoi. Et je pense que si j'avais pas cet espace-là, mais vraiment, je deviendrais dingue, quoi. Mais en fait, le militantisme, c'est de l'art. Genre, la magie, c'est juste... En fait, c'est un moyen par lequel on s'exprime, mais on s'exprime en plus en communauté, à un vécu commun. C'est de l'art, voilà. Pour moi, en vrai, c'est un peu au même niveau. C'est carrément au même niveau de ce besoin de s'exprimer, de dire ce qui ne va pas, ou peut-être comment ça pourrait aller mieux, mais on n'a pas toujours les réponses, donc juste on s'exprime. Et en fait, on contribue, on transforme, enfin, c'est performatif, hein, on le fait au fur et à mesure, en disant, en exprimant ça, on y contribue. Et du coup, l'une de mes dernières questions, c'était avec quel sentiment vous abordez du coup la journée de demain? Quelle émotion? À part la fatigue. J'ai tout envie de me faire brûler. Vraiment, genre, je pense que l'une des émotions, c'est l'énervement. Mais vraiment rattaché par contre au vécu de mes copaines. Et j'y vais pour exprimer les choses qu'on peut pas au quotidien faire à l'extérieur de notre cercle, et j'ai juste hâte de pouvoir l'exprimer. Moi j'y vais, je pense, avec pas mal d'épuisement aussi. Déjà parce que, enfin, oui, il y a ce truc de ça nous demande de l'organisation et du coup on passe des journées entières à faire ça, mais aussi parce que ça a été quand même assez compliqué l'organisation de ce 8 mars et, comme on disait, d'essayer de visibiliser des minorités qui ne le sont pas, en fait, dans le milieu féministe bordelais. Ça a été réellement émotionnellement très très épuisant et très énergivore, et donc ouais, avec beaucoup de fatigue, et que j'espère vraiment transformer en colère, genre, et essayer d'expulser ça, et je pense que ça va le faire. Ouais. Et je pense que ça va être cool quand même, parce qu'on a réussi à organiser un truc genre cool. Comparé à l'année dernière, ouais. Moi j'y vais en soum soum demain. En même temps, l'année dernière, qu'est-ce que tu fais? C'était schlag. Mais non, mais moi je ne considère pas que c'était un échec. Non, moi je suis d'accord. Et en fait, il y a un truc avec le fait de ne pas avoir de cortège. Et c'est pour ça que, en fait, genre, enfin, c'est trop bien qu'on le fasse, parce que à part FACAP, il y a pas trop de, enfin, il y en a pas trop, je sais pas, de collectif queer à Bordeaux, donc c'est trop cool qu'on le fasse. Mais tu vois, l'an dernier, quand on a laissé tomber, bah, à un moment donné, on s'est dit, bah, enfin, genre, on le fait pour nous et on va là où on a envie d'aller, on fait les trucs qu'on a envie de faire, et on n'a pas la responsabilité de l'organisation d'un cortège, qui fait que du coup on manifeste pour nous, mais on manifeste pour plein d'autres personnes pour qui on organise tout. Et du coup, c'est, enfin, genre, c'est super différent. Enfin, demain on y va avec de la colère, de l'épuisement, du flou ou quoi que ce soit, mais on y va aussi avec forcément de l'organisation en tête, forcément la responsabilité de plein de personnes qui vont manifester avec nous et qui, on l'espère, vont manifester avec plaisir, ou en tout cas, enfin, ce sera cool pour eux. Donc c'est, enfin, tu vois, c'est ça la différence, c'est que, genre, c'est cool de faire des cortèges, mais je pense que des fois, moi-même en manif, je serais là, mais je serais content aussi d'y aller en ayant rien fait pour les autres, et juste de le vivre que pour moi, tu vois, et de pouvoir tout expulser sans avoir la responsabilité d'autres personnes dans mon cortège, en fait. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Et deux dernières questions, c'était qu'est-ce que vous conseillerez aux personnes qu'on croit souvent, hein, qui nous disent « Ah, moi, ça fait pas longtemps que je me suis rendu compte de ma... Enfin, du féminisme, et que je me politise là-dessus, etc. » Et quels conseils donner à ces personnes qui commencent, du coup, à ouvrir les yeux là-dessus? Moi, je dirais d'ouvrir les yeux sur toutes les questions, et de pas se cantonner juste au féminisme cis blanc, on va dire hétéro. Parce que c'est... je pense que c'est très facile au début de juste voir la question de la répartition des tâches ménagères et des inégalités salariales, mais qu'en fait le féminisme c'est beaucoup plus large que ça. Et donc de ne pas hésiter à aller fouiller un peu partout. Et pour la question de si ces personnes veulent militer, bah, aller faire un tour dans les assos, etc. Mais si on voit que ça ne nous correspond pas et qu'on ne trouve pas sa place quelque part, pas hésiter en fait à créer les choses qu'on a envie de voir. Si on a des initiatives, déjà vous pouvez contacter FACAP, on pourra vous aider. Allez, petite propagande. Mais surtout, si vous reconnaissez pas dans FACAP, ayez pas peur de créer votre propre collectif. Enfin, nous, à la base, on a commencé avec une page Facebook et on faisait des die-in, on était 15 et c'était ce qu'on avait envie de faire à ce moment-là. Et au début, c'est pas toujours très efficace. Mais en fait, créer ses propres initiatives, créer son propre collectif, etc., c'est quelque chose qui permet de en fait, faire vraiment ce qu'on a envie de faire, militer sur les questions sur lesquelles on a envie de militer réellement et pas devoir s'adapter à des collectifs qui n'auront pas forcément vos spécificités, dans lesquels vous ne vous sentirez pas forcément à l'aise parce que je sais pas, parce que vous n'avez pas de feeling avec les gens qui sont dedans ou parce que les oppressions que vous subissez ne vont pas forcément être les mêmes que ces personnes-là. Et par exemple, je sais pas, si vous voulez militer sur la question de l'écoféminisme, je crois qu'il n'y a pas trop de collectifs écoféministes à Bordeaux. Et n'ayez pas peur de créer vos propres initiatives, même en tant qu'individu, ça se fait aussi. Et si vous avez une idée, n'hésitez pas soit à la lancer vous tout seul, soit à contacter des associations ou des collectifs pour créer ces initiatives. Et en fait, ça a l'air très compliqué, ça a l'air très inaccessible, mais en vérité, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on croit. Je mets juste une petite nuance sur le fait que créer des collectifs, mais pour les questions qui vous concernent, sinon c'est important de rester en position d'allié des autres luttes, et en fait les personnes concernées sont toujours les mieux placées pour savoir et pour militer sur leurs questions, et du coup le mieux c'est de relayer les informations qui elles partagent, etc., les ressources, etc. D'ailleurs pareil, regarder un peu partout. En vrai, il existe plein de podcasts, plein d'articles, etc. Sur Binge Audio, sur Nouvelles Écoutes, sur Louis Media, etc. Sur plein de questions plutôt d'un féminisme assez intersectionnel. Ne pas prendre la place des autres personnes et se renseigner déjà sur ce qui existe et de rejoindre aussi ces choses-là. Et du coup, pour répondre à la question de base, sans partir dans du militantisme en termes vraiment de soit de manif ou de collectif, mais si rien que les sujets militants intéressent ou parlent, moi en vrai le truc que je conseillerais c'est de foncer de ouf, parce que moi il n'y a rien qui me rend plus heureux que de me déconstruire en permanence et d'apprendre tout ça. Donc, de foncer, de prendre conscience, d'être patient et indulgent avec soi-même, parce que ça prend un temps fou, vraiment, et c'est jamais fini. Donc d'avoir conscience que ça prend du temps, qu'on sera pas parfait dès le départ, mais même si ça prend du temps, de prendre ce temps quand même, et que c'est pas parce que c'est long et que c'est compliqué et qu'on apprend petit à petit et qu'on a l'impression d'avoir toujours des milliards de choses à apprendre qu'on avance pas, en fait. Genre, bien sûr qu'on avance et que c'est tout à fait possible, et juste de foncer de ouf. Oui, et aussi déjà de se dire, les personnes qui veulent rentrer dans le militantisme, déjà je suis en mode ok, bravo, vous rentrez dans la première étape et c'est trop bien d'en avoir conscience. Ouais, et il n'y a pas non plus, parce qu'il y a aussi ce truc de dire ah mais j'arrive et je crois que je viens juste d'avoir conscience de tout un tas de choses. Je suis nulle, j'ai jamais rien fait avant, je suis face à des gens où ça fait 15 ans qu'ils militent, ils ont fait des trucs de ouf. Déjà faut pas culpabiliser, on est dans un monde qui nous apprend pas ça à l'école, et donc du coup c'est normal, peut-être on a tous des chemins et des rencontres qui font qu'on peut s'en rendre compte à un moment donné dans sa vie, et il est jamais trop tard déjà, et faut pas se sentir moins, plus ou militant. Déjà rien que d'en avoir conscience, c'est un joli travail parce que c'est compliqué dans ce système-là de... Ouais. Et après, ouais, entourez-vous de bonnes personnes. Ouais. Je pense que l'importance de militer aussi, c'est un truc hyper social. Mmh. Et en fait, souvent, quand tu rentres dans un truc militant aussi, il y a aussi cette part de « j'ai aussi besoin et envie de rencontrer des nouvelles personnes qui vont... » Enfin, je sais pas. Je sais pas forcément de fin de cette phrase. Mais... Je crois que j'aurais deux tout petits trucs à rajouter. Vas-y, vas-y. Il y a beaucoup de gens qui arrivent dans les milieux féministes, slash queer, slash antiracistes, slash tout un tas d'oppressions et qui sont hyper impressionnés et qui n'osent pas s'exprimer parce que c'est un vocabulaire qui est propre à ces milieux-là pour des raisons en fait qui sont des questions d'inclusivité, etc. Et qui sont très impressionnés, qui du coup n'osent pas parler et qui du coup sont mal à l'aise. N'hésitez pas dans ces cas-là à dire que vous débutez et que vous n'êtes pas au courant de tout, et les gens sont compréhensifs et comprendront que non, on peut pas se déconstruire d'un seul coup, et on est tous nés pas déconstruits, et c'est un travail, et on sait très bien que c'est un travail, et donc on vous en voudra pas. Et aussi pensez à vous protéger, parce que le militantisme, c'est un milieu qui nous apporte énormément de joie, qui nous apporte énormément d'euphorie, qui nous permet d'avoir des milieux safe, mais c'est aussi très ça prend beaucoup d'énergie. Et ça peut avoir tendance un peu à couper du monde extérieur et à rendre compliqué le dialogue avec des personnes qui sont pas du milieu militant, et donc prenez du temps pour vous. Vous pouvez vous lancer à corps perdu, mais n'oubliez pas de rester aussi en contact avec des gens qui sont pas dans le milieu militant. N'oubliez pas de garder des activités qui sont pas des activités militantes. T'arrives à le faire ? Non, mais justement. faites ce que je dis, pas ce que je fais, je le regrette. Il existe des choses qui ne sont pas militantes dans la vie, qui ne sont pas politisées. Tu peux essayer de faire de la natation, je sais pas. Pas que la natation. Ouais, la natation. Ouais, non, mais... Va courir tout seul, voilà. Comme ça, t'es sûr d'être en homicide avec toi-même. Je suis désolée, mais courir toute seule, c'est se préparer pour quand t'as des flics qui vont... Ouais, tu sais que tu vas prendre un regard au cul tous les 3 mètres. Voilà. Mais oui. Non, mais moi, je suis grave d'accord, et je pense que le militantisme, c'est le truc qui me bouffe le plus d'énergie et d'émotion de toute ma vie, genre en permanence, et j'ai l'impression d'être épuisée en permanence et de dire que je fais des pauses en permanence, des pauses que je ne fais pas, bien évidemment. Et pour autant, c'est hyper paradoxal parce qu'à la fois ça me bouffe et à la fois ça me fait vivre, mais à un point, genre, ouais. C'est ça en fait le paradoxe, c'est que c'est énergivore, mais sans ça, c'est une drogue de ouf. Et on en parlait, c'est l'adrénaline, c'est le fait, y compris l'adrénaline, il n'y a pas que ça. Mais ouais, c'est ce paradoxe-là, c'est d'y mettre absolument toute ton énergie, mais tu le fais juste parce que ça te fait te sentir en vie, quoi. Mais c'est vrai que c'est hyper dur, enfin, moi je peux plus du tout couper parce que, enfin, en fait, à force d'être là-dedans dans ces conversations, d'avoir ces trucs-là, en vrai, tu dis, c'est encore plus dur après d'aller dans la vraie vie, entre guillemets, des vrais gens qui se croient dans la vraie vie et des vraies institutions et qui voient même pas qu'ils sont dans des institutions, mais bon, voilà. Et qui, tu te retrouves à faire du soin et de la pédagogie en permanence, et à tout le temps devoir réexpliquer tes positions et tes trucs, et en fait à ne plus pouvoir laisser passer la moindre parole, que ça soit en repas de famille au boulot, etc., parce que genre juste tu sais que tu milites là-dessus au quotidien et ça te fatigue, mais en même temps de plus en plus je pense que du coup la radicalisation elle est inévitable, et à un moment, enfin moi je souhaite pas forcément en fait garder un pied avec les autres. Enfin, en vrai, mon milieu militant, au final, il me va bien. Alors, pour l'instant, en fait, c'est très dur parce que je suis quand même obligée de vivre un peu un pied dans la société, de trouver des tafs et tout, et pour l'instant. Et du coup, c'est compliqué, mais de plus en plus, je me dis que, je vivrai en non-mixité militante, queer, slash ce qu'on veut à terme, parce que, genre, juste, je pourrais plus, et que, en fait, ces personnes-là me ramèneront toujours à quelque chose que je peux pas, enfin là pour l'instant j'ai encore l'énergie de déconstruire et de m'activer là-dedans, mais à un moment je vais... S'achète une vieille ferme à la campagne, on vit tous ensemble, oui. Dedans pour te jure. sera la retraite de FACAP. Ouais. On a le droit de faire comme les footballeurs et prendre notre retraite à 30 ans. La dernière question, c'était qu'est-ce que vous diriez à des personnes queer qui sont pas encore sorties du placard? Bien. Ça veut dire quoi, pas sortir du placard? De pas être out et de pas avoir dit à son entourage qu'on était queer, quelle que soit l'identité qu'il y a derrière. Moi, je dirais un peu pareil que pour le militantisme, d'être patient de ouf, patiente. Parce que quand on commence à se questionner sur son identité, après, bien sûr, tout n'est pas pareil. Être lesbienne n'est pas pareil qu'être gay, n'est pas pareil qu'être trans, etc. Mais quand on commence à se questionner sur son identité, je pense que ça peut être très difficile à vivre, en fait. Enfin, des fois, je pense que ça peut être un éclair de révélation, et des fois, ça peut être une réflexion qui prend une place je pense que j'ai passé plus d'un an à quasiment tous les jours me questionner sur qui j'étais réellement, et je pense que je le fais toujours, même si c'est plus simple à l'heure actuelle. Mais quand on commence à le faire, c'est très compliqué. On a l'impression que on sortira jamais de ces questionnements là et en fait c'est pas le cas du tout. Faut vraiment être patiente. Et même si on se voit pas avancer, en fait, on avance, mais de ouf. Si on fait une rétrospective sur qui on était il y a un an, ça n'avait aucun sens. Enfin, par rapport à qui on est à l'heure actuelle, c'est plus du tout la même chose. Donc, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'au quotidien, on se voit pas avancer, mais en fait, les moindres détails, les moindres réflexions nous font avancer et juste d'essayer de s'écouter, même si c'est dur. Je sais pas réellement ce que ça veut dire de s'écouter. Je sais pas comment on peut s'écouter en dehors de tout ce qui ricoche sur nous de la société. Mais s'il y a quelque chose qui nous fait plaisir, on essaye. Et ça, par rapport aux personnes trans notamment, qui voudraient essayer de changer de prénom, de changer de pronom. Juste rappeler qu'il y a le droit d'essayer de ouf, que rien n'est définitif. Et que si à un moment donné t'as envie de changer de prénom le temps de 2 semaines juste pour voir ce que ça te fait, mais demande à tes potes de t'appeler par un autre prénom le temps de 2 semaines, si tu vois qu'au final ça te convient pas, change et tes potes suivront. On espère, sinon change de potes. Viens avec nous, t'inquiète. Voilà. Sinon nous serons tes potes. Non mais. On accepte tout le monde. Non mais voilà, d'essayer de ouf et selon ce dont vous avez besoin, Ouais, moi j'allais dire justement par rapport aux potes et tout ça, je pense que le plus important c'est de s'entourer de ses semblables, de ses adelphes queer, parce que franchement ça aide de ouf. Ouais. Et se sentir à l'aise, à partager des vécus et à apprendre de la vie de queer, quoi. Quand on est accompagné, c'est beaucoup mieux que quand on est seul. Ouais, mais malheureusement, enfin, je trouve que oui, de ouf, et malheureusement, c'est pas un truc qui est accessible à tout le monde. Je pense que tout le monde n'a pas dans son entourage forcément des personnes queer, donc même si c'est pas une personne queer, un allié de ouf, rien qu'un allié de ouf, ça peut aider. Et après, il y a Internet, des fois. Et Internet aussi, ouais. Mais protégez-vous sur Internet. Ah, ouais, si, moi j'ai un truc important à dire. Pour les queer mineurs, moi, quand j'étais très jeune, j'avais 13 ans, j'ai voulu rencontrer des personnes lesbiennes parce que je me sentais seule et que je connaissais personne, et je suis allée sur Internet et j'ai fait des rencontres qui étaient dangereuses. Et aussi, vous ne devez votre coming out à personne. Si vous n'avez pas envie de vous outer au travail ou dans votre famille ou auprès de vos amis parce que vous savez que ça pourrait vous mettre en danger, vous ne devez votre coming out à personne. Et vous êtes légitime dans votre identité, que vous soyez out ou non. Et personne ne doit vous forcer à vous outer. Et surtout, le coming out, on le montre souvent dans les médias, etc., comme un moment très dur, un moment très violent, etc. C'est pas toujours le cas. Le coming out, ça peut aussi être une période de vie qui est extrêmement euphorique, parce que c'est un moment où on assume son identité, où on assume qui on est. Et même si le coming out, c'est un moment où la découverte juste de soi, c'est un moment où on traverse beaucoup d'émotions, Je pense qu'on peut parler de coming out à soi-même aussi. C'est un moment qui est à la fois compliqué parce que on se rend compte que notre vie, effectivement, elle va pas être aussi facile que ce qu'on pensait. Mais c'est un moment qui est aussi extrêmement euphorique parce que maintenant, on sait qui on est et on l'assume, ne serait-ce que face à soi-même. Et juste se dire à soi-même, ok, je suis ça et je suis bien là-dedans, ça fait vraiment du bien et ça rend vraiment très euphorique. Ça, mais après, le coming out, généralement, ça reste... Si on reste dans la vie normée et tout, ça reste tout au long de sa vie parce qu'on se retrouve toujours à se outer tout le temps. Par... J'ai plus de bout de batterie. Vous voulez dire un autre truc ou pas? Féminisme, queer, militant, c'est cool. Ouais. C'est tout pour cette première partie. D'autres témoignages spéciaux 8 mars arrivent la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous, si vous le pouvez, et n'hésitez pas à m'écrire sur toutattaché@riseup.net pour me faire part de vos envies, vos avis, vos réactions. Bonne semaine. Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre. La santé, c'est un esprit sain dans un corps sain. Abra le corps.